Bosco Douimane. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les informations. La déclaration des avoirs des dignitaires devant la Cour suprême est une obligation légale. Le président de la République l'a rappelé en fin de semaine dernière. On revient sur ses propos lors de la clôture de la prière organisée par le gouvernement, ainsi que sur cette disposition de la constitution burundaise. Et la population de Gihanga réclame que lui soient restitués les 1200 hectares qui avaient été cédés à la société Tanganyika Sugar Company pour la culture de la canne à sucre, mais qui n'ont rien produit depuis 12 ans déjà. Le gouverneur de la province de Bubanza a promis de transmettre cette doléance à ses supérieurs. Et une centaine d'enfants souffrent du diabète en province Cibitoke. En chiffres inquiétants pour l'association des personnes vivant avec cette maladie, on fera le point dans ce journal. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Trois personnes sont mortes, une autre de nationalité indienne brûlée, suite à un incendie survenu dans la nuit de ce jeudi au sein de la société Savonor. Leur porte-parole, adjoint du ministère de la Sécurité publique, dit que l'origine de cet incident n'est pas encore connue et que les enquêtes sont en cours pour en savoir plus. Et 16 fabricants de la boisson prohibée dite Ikibarb en province Ngozi sont sous les verrous et plus de 5800 litres de cette boisson ont été déversés. C'est depuis ce 25 août, lors du début de la campagne dite Tolérance Zéro, entamée par le gouverneur de la province Ngozi. Beaucoup de matériel servant à sa fabrication ont été également saisis. Le gouverneur Epipo de Baranyikwa invite la population a dénoncé d'autres et demande à la justice de traiter le plus rapidement possible leur dossier pour que les coupables soient sanctionnés. Également dans l'actualité, certains habitants de la colline Massassou en commune Guéta de la province Gitega, où se sont déroulés récemment les travaux d'exhumation des restes des personnes tuées en 1972, disent que ces activités ravivent les plaies du passé. Les psychosociologues disent que ces personnes doivent bénéficier de la prise en charge psychosociale. C'est au moment où à la commission Vérité et Réconciliation, l'on dit que ce soutien est destiné plus particulièrement aux personnes qui témoignent sur ce qui s'est passé. Les détails avec Jean Dodieu Irakodze. Ces habitants de la colline Massassou où se sont déroulées récemment les activités d'exhumation des personnes tuées en 1972 disent que cette activité fait raviver les plaies du passé. Cette femme se rappelle de la douleur survenue quand le sien a été tué en 1993, même si on exhumait les restes des tués en 1972. Quand j'ai vu ces gens en train d'exhumer ces restes humains, cela m'a rappelé la mort de mes parents. Je n'étais pas là en 72, mais j'ai vu ce qui s'est passé en 93. J'ai perdu un parent en 93. Il a été tué sous mes yeux. Il était avec mon grand-père et un voisin. Quand je me suis mariée, on m'a dit que mon beau-père a été lui aussi tué à cette même époque. Ces travaux d'exhumation affectent terriblement la personne victime de ces crises. Revivre cette tragédie n'est pas chose facile. Le commissaire chargé de l'enquête au sein de la commission Vérité et Conciliation du Burundi, Aloïs Batungwanayo, fait savoir que la prise en charge psychosociale se fait, mais d'une façon non suffisante. La prise en charge psychologique, c'est l'enfant pauvre de la sévère. Je dois dire que c'est très peu, parce que nous nous occupons seulement des témoins. Lorsque nous sommes sur terrain et que nous cherchons des témoins, c'est juste ces témoins que nous préparons de façon psychologique à les protéger, de ne pas retomber dans le traumatisme. Sur cette question, l'expert psychosociologue Alexis Nibigila indique que la prise en charge psychosociale devrait être faite à toute personne qui peut voir ses restes lors de leurs exhumations. Les gens ont besoin d'un soutien psychosocial qui peut être offert par les psychologues ou leurs assistants qui vivent dans les communautés. La population doit faire face justement à l'histoire pour la prévention d'autres cycles de violence. En ce moment, la CVR est en train d'exhumer les restes des personnes tuées en 1972 et d'autres années suivant par après, comme l'indique cette commission. Jean Dodieu, Irakoze. Plus de 100 enfants souffrent du diabète en province Cibitoke, selon Deona Kindavi, président de l'association des personnes vivant avec le diabète dans cette province. Ces chiffres sont inquiétants. À la direction du programme national en charge des maladies chroniques non transmissibles, l'on indique que la sensibilisation reste le moyen de prévention contre cette maladie. Dr Étienne Nyonzima, directeur de ce programme, appelle les organisations œuvrant dans le secteur de la santé à conjuguer plus d'efforts pour éradiquer cette maladie. On fait le point avec Aimé Richard Niyonkuru. Comme le témoigne Deona Kindavi, président de l'association des personnes vivant avec le diabète en province Cibitoke, le nombre d'enfants souffrant de cette maladie s'élève à 100 et plus. Pour le moment, 114 enfants vivent avec le diabète en province Cibitoke. Ici, Nakindavi fait savoir que parfois, les parents sont complices par rapport à ces chiffres, se basant sur l'alimentation au quotidien. Une faible sensibilisation est aussi à l'origine de ces chiffres inquiétants, selon Deona Kindavi, président de l'association des personnes vivant avec le diabète en province Cibitoke. La sensibilisation sur le diabète devrait être de rigueur, car ces chiffres sont dus à une faible sensibilisation sur cette maladie. C'est pourquoi elle se propage très rapidement. Au sein du programme national en charge des maladies chroniques non transmissibles, l'on fait savoir que ce programme est à l'œuvre et que la sensibilisation reste le seul moyen efficace de prévention de cette maladie. Docteur Étienne Nyonzima, directeur de ce programme, appelle les organisations de la société civile et non gouvernementale œuvrant dans ce secteur de s'activer davantage dans la sensibilisation. En contribution avec d'autres acteurs, je pense qu'on peut y arriver, puisque 70% des facteurs de risque sont évitables par la contribution des autres acteurs, tels que d'autres secteurs connexes du ministère de la Santé. Donc, je fais appel à la contribution de tout un chacun, les PTF, la société civile, mais les autres contribuables, d'intervenir dans la lutte contre ces maladies, parce que nous avons constaté que nous sommes dans la phase de la transition entre les maladies non transmissibles et les maladies transmissibles. Le diabète, une maladie chronique non transmissible, figure parmi les trois maladies responsables des décès au Burundi, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé fait en 2018. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je l'avais dit dans les titres, la constitution du Burundi stipule que le chef de l'État, le premier ministre et les autres ministres déclarent par écrit leurs avoirs à l'entrée et à la sortie de leurs fonctions devant la Cour suprême. Nous revenons sur cette disposition de la loi fondamentale avec Jean-Marie Mayonga. Dans l'article 94 de la Constitution du Burundi, précise une loi organique fixe un régime des indemnités et avantages du président, du vice-président, du premier ministre et des autres ministres ainsi que le régime des incompatibilités. Elle précise également leur régime spécifique de sécurité sociale. Dans l'article 95, toujours de la Constitution du Burundi, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le président de la République, le vice-président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont tenus de faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême. Dans le Code électoral, l'article 98 précise que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Et l'article 99, dans le cas où le candidat élu président de la République occupait une fonction publique, il est placé d'office en position de détachement dès la proclamation des résultats. Jean-Marie Mayonga, et c'est fort de cette disposition de la loi fondamentale que le président de la République a exhorté les dirigeants à déclarer leurs avoirs devant la Cour suprême, et c'est dans l'optique de lutter contre la corruption et les malversations économiques. Il a dit à l'endroit de ses dirigeants en fin de semaine dernière lors de la clôture de la prière organisée par le gouvernement. Cet acte devra également être posé en fin de mandat, ajoute-t-il, pour démontrer à la population la transparence dans la gestion de la chose publique. Suivez-le, il est traduit en français par Armer Motore. Dès demain, Commencez à répertorier tous vos avoirs et possessions pour que dans les jours à venir, nous soyons prêts à les déclarer par écrit devant la Cour suprême. Et à la fin de nos mandats, que nous puissions faire de même pour démontrer que nous n'avions pas détourné les deniers publics. Nous sommes conscients, pour la plupart, que dans ce programme de lutte contre la corruption et les malversations économiques, la loi a prévu la déclaration des avoirs devant la justice. Mais parmi nous, il y a ceux qui ne sont pas au courant de cela. C'est pour cette raison que je fais ce rappel, pour que chaque dirigeant ici aille rassembler et mettre sur écrit tous ses avoirs, pour que nous ne soyons pas accusés de détournement pour des possessions que nous détenons. Et dans le souci de transparence, nous ferons de même en fin de mandat. Le président de la République. Les habitants de la commune Gihanga dans la province de Bubanza qui avaient cédé plus de 1200 hectares à la société Tanganyika Sugar Company pour la culture de la canne à sucre demandent que ces terrains leur soient restitués. Ils déplorent que depuis 12 ans, ces cannes à sucre n'ont jamais été récoltées alors que ces propriétés produisaient des quantités importantes de riz. Ils l'ont dit au cours d'une réunion de sécurité tenue par le gouverneur de la province de Bubanza ce jeudi sur la colline Ndava Usongo. Cléophas Nizigimana a promis de transmettre cette doléance aux autorités hiérarchiques. Spes Caritas Kavanyana. Le chef de colline de Gihanga Centre, au nom des habitants de la même colline, a demandé que 1200 hectares qu'ils ont cédés à la société Tanganyika Sugar Company pour la culture de canne à sucre dans la Rukoko leur soient remis, puisque ces cannes à sucre qui y sont plantées ne sont jamais récoltées il y a plus de 12 ans. Salvatore Abonimana l'a dit ce jeudi au cours d'une réunion de sécurité organisée par le gouverneur de la province de Bubanza sur la colline de Ndava Busongo en commune Gihanga. Il a également précisé qu'auparavant, des quantités importantes de riz y étaient annuellement récoltées. C'est dans la Rukoko, en dessous de la RN5, la route Bujumbura-Rugombo. Le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza a embrayé en expliquant qu'au-delà des 1200 hectares dont cette société avait le droit, elle a illégalement agrandi la superficie jusqu'à 800 hectares de plus dans la Rukoko. Wirinda Ikeza déplore également le fait que ces plantations de canne à sucre sont bien entretenues et irriguées et en saison sèche, elles sont brûlées. Il a précisé que le riz qu'on pourrait récolter dans ces terrains aiderait à combattre la famine. Le gouverneur de la province de Bubanza a promis que ce problème sera soumis aux autorités hiérarchiques. Cléophas Nizigimana a cependant précisé que ces cultivateurs qui réclament ces terrains avaient cependant bénéficié des frais d'indemnisation. Cette autorité provinciale a demandé au directeur de la DPAE Bubanza de soumettre lui aussi cette question au ministre de tutelle. Spes Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Les hauts cadres du ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux sont invités à planifier des projets prioritaires dans différents services et si cela s'avère nécessaire, procéder au redéploiement de son personnel afin que toutes les activités soient faites comme elles ont été planifiées. Recommandation du ministre ayant les infrastructures dans ses attributions ce vendredi lors d'une réunion organisée à l'intention de tout le personnel du dit ministère. Une réunion de restitution de ce qui émane de la retraite gouvernementale qui a eu lieu récemment en province Ngozi. Deogracias Nsangani Umwami rappelle aux employés de ce ministère de porter le flambeau dans la lutte contre la corruption et de couper court à cet acte qui handicape le développement. Certains directeurs des différents services soulèvent quelques défis comme l'existence ou l'absence même des lois ou normes régissant certains organes. Rappeler aux ONG internationales les lois légales, les régissant et une prise de contact, c'est le but d'une réunion qui a eu lieu entre ces ONG et le ministre des Affaires étrangères. Ambassadeur Albert Shingiro a dit qu'ils vont continuer à soutenir ces ONG qui travaillent et qu'ils prendront des mesures pour celles qui agissent en dehors du cadre légal. Comme vous le savez, constituent aussi des partenaires importants pour le pays. Les actions viennent en complémentarité avec les actions du gouvernement dans le domaine socio-économique, surtout en ce qui concerne le relèvement communautaire à la base. Le deuxième objectif était de rappeler à ces ONG qu'il y a un cadre légal régissant la coopération entre les ONG étrangères et le gouvernement du Burundi et que ce cadre légal doit être pleinement respecté par ces ONG étrangères. Et nous avons constaté par le passé qu'il y a eu des ONG étrangères et quelques représentants qui ont agi en dehors de ce cadre légal. Et j'ai rappelé que désormais, toute ONG étrangère qui va agir en dehors du cadre légal bien établi par le gouvernement du Burundi ou en dehors des priorités nationales, que cette ONG aura des difficultés. Nous allons prendre des mesures très fortes, allant jusqu'à les demander de dégager et de partir dans un autre pays. Mais pour nous, en tant que Burundais, nous allons bien sûr continuer à soutenir la majorité de ces ONG qui travaillent bien pour les encourager effectivement à travailler conformément à la loi, mais aussi à s'aligner sur le plan national de développement et les priorités nationales et les priorités des communautés locales dont ils sont censés de servir. La ministre des Affaires étrangères, ambassadeur Albert Shingiro, a notamment précisé que d'autres questions comme la réouverture de l'aéroport international Melchior Ndadaye ont été soulevées et cette réouverture dépendra notamment des résultats de la campagne récemment lancée dans la lutte contre la COVID-19. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. La déclaration des avoirs des dignitaires devant la Cour suprême est une obligation légale. Le président de la République l'a rappelé en fin de semaine dernière. On est revenu sur ses propos lors de la clôture de la prière organisée par le gouvernement ainsi que sur cette disposition de la constitution burundaise. Et la population de Gihanga réclame que lui soient restitués les 1200 hectares qui avaient été cédés à la société Tanganyika Sugar Company pour la culture de la canne à sucre mais qui n'ont rien produit depuis 12 ans déjà. Le gouverneur de la province Bubanza a promis de transmettre cette doléance à ses supérieurs. Et vous l'avez suivi, une centaine d'enfants souffrent du diabète en province Cibitoke, un chiffre inquiétant pour l'association des personnes vivant avec cette maladie. Il est 13h15 à Bujumbura et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Francine Ndihakugayo qui m'a aidé à réaliser ce journal et qui a été mise en onde par Alphonse Koubguimana. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.